Niko na lamkia kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère, chaque sœur dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Niko na lamkia tena banduku na badada benye kutufuata ku internet. Je salue également le frère et sœur que nous suivons à partir de l'internet. Na boni ko na balamkia mjini ya Yesu Kristo. Et aussi nous les saluons, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shiwe kama tuko na fura. Je ne sais pas si nous sommes, nous avons la joie. Mais fura yo inonekana kata pa macho. La joie, ça se manifeste même à l'œil nu. Est-ce que tuko na fura? Est-ce que nous avons la joie? Sawa, pana kuitika tu bia bongo. N'acceptez pas pour rien comme. Tutashibama jua kusoma neno ya Mungu. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tuko tunafungula Biblia yetu mu Proverbe chapitre 18. Mezali 18. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina mbele ni munara nguvu kabisa. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Mwenyaki yonenda kuficha mamule na anapatikana katika ukingo. Mungu Baba tunakupikia asante. Dieu notre Père, nous te disons merci. Asante juu ya neema yako. Merci pour ta grâce. Asante juu ya kutuweka tupate kuhesabiwa katikati ya watu bajima. Merci de nous avoir compté encore parmi les vivants. Atuna na kile tulikupa. Il y a rien que nous t'avons donné. Na atuna bakupita bale barikufa leo. Et nous ne sommes pas très spécial. Kama shituna patikana pa ifuashi Seigneur. Si nous retrouvons à ces lieux. Ni kwa neema bule. C'est juste par ta grâce. Na juu ya ile tunasema merci. Et pour ça, nous te disons merci. Tuko na kuita Seigneur. Nous t'implorons, Bwana. Descends. Ni wewe ulianza kufundisha tangia mubizazi. C'est depuis les âges que tu as enseigné. Na uko na kifukuzio kimoya Seigneur. Et tu as l'objectif que tu as. Ni kia kutupeleka kumbingu. C'est de nous amener au ciel. Kumbe utusaidie. Alors aide-nous. Utupatie kushikia kwa kiro. Donne-nous un entendement spirituel. Tushikie Seigneur munamna ya kusema. Que nous puissions écouter de na manière. Na chetu pumujike. Que nous aussi puissions entrer dans le repos. Tushitembee mu rythme ya hii dunia. Que nous puissions pas marcher au rythme de ces mondes. Tuko na kutumainia mu wakati ya mangaribi. Nous te faisons encore confiance ce soir. Na kukuachia uongozi ya kila kitu. Et t'abandonnant la conduite de toutes choses jusqu'à la fin que tu puisses dominer pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ te prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons continuer encore à parler en ces jours sur ces sujets que nous avons abordés depuis la semaine passée. Laissez échapper la pression. Mwache kusongwa kutoke. Il faut qu'il anduku na kila dada Mungu amsaidie. Que Dieu puisse aider chaque frère, chaque sœur. Apate kuelewa kabisa kabisa Mungu yuko napenda kusema nini. Qu'il puisse comprendre correctement qu'est-ce que Dieu veut dire. Parce que muntu kama yuko sous la pression. Sababu kama yuko chini ya kusongwa. Ashikalake tranquille. Cet homme n'est pas tranquille. Ni muntu mwenye anekalaka mwenye kuhangaika sana. C'est un homme toujours agité. Na Mungu ashikulaka vile juu ya peuple yake. Et Dieu n'a pas promis cela sur son peuple. Kile kikunafanya dunia leo ikuwe sous l'agitation. Ce qui fait que le monde reste chini ya kusongwa. Ni absence ya Mungu katikati ya dunia. C'est l'absence de Dieu parmi le peuple. Mais nous, nous avons trouvé grâce dans cet âge auprès de Dieu. Pendant ce jour, s'il y a les gens qui doivent être en paix, c'est seulement nous. Je peux dire, c'est seulement les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse. Parce que Dieu ne peut pas nous laisser en train de suivre les trains de ce monde. Et qui vient nous enlever et nous amener au ciel. Et pourtant, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Et ce qui a amené l'agitation sur la terre aujourd'hui, c'est les péchés. Si vous regardez depuis le jardin d'Éden, Adam, au début, ils étaient en paix. Ils étaient katika ukingo. c'est que bébé naishi na banyama tout bien. Avec tout le bête dans la tranquillité. Mais wakati nzambi ringia. Maintenant lorsque le péché s'est mon jardin d'Eden trouble kaanza pale. Au jardin d'Eden, c'est à ce moment-là que le trouble est entré. Na kama unasoma mu Biblia. Et lorsque vous lisez dans la Bible. Utavumbula kusema Adam alianza pa kukimbia. Vous découvrirez que Adam ne faisait que fuir. Kama kulikuwa na possibilité ya kushimama mbele kumshimamisha. La possibilité de lui arrêter d'abord. Kumuuliza Adam nini uko na kimbia. La question pourquoi tu es en train de courir. Alipata kumwambia sema bitu abiendeke tena. Il allait te répondre que rien ne marche. Abiendeke juu ya nini. Pourquoi ça ne marche pas. Mulikuwa tu bien na Mungu. Vous étiez bien avec Dieu. Mulikuwa msalama. Kwa sababu mama unakuwa uko angaika angaika hivi Adam. Ni mambo kama endeke. Et qu'est-ce qui ne va pas. Alipata kusimamisha kutenda zambi. Il allait te répondre que j'ai déjà péché contre mon Dieu. Le péché amène le tourment. Le péché amène mouvruko. Le péché amène la peur. Mais mon Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà prévu de refuge. Et c'est lui qui avait commis un acte involontairement. Il fournissait son effort sans se reposer jusqu'à ce qu'il va entrer dans cette cité de refuge. C'est lorsqu'il va entrer dans la cité de refuge. C'est à ce moment-là il s'est tranquillisé. Nous sommes les chrétiens. Et la Bible dit 1 Jean Yohann Akwanza 1 Jean chapitre 5. Yohann Akwanza sura katano écoutez. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Biblia nasema. Yohann Akwanza sura katano mstari ya 19, la Bible dit ceci. Chiki. Nous savons que verset 19 hein. 19 mstari yake. Nous savons que nous sommes des dieux. Si et tunajua kusema tuko ba Mungu. Si et tunajua kusema tuko ba Mungu. Nous savons que nous sommes des dieux. Bona mwitiki amen. Pourquoi vous ne dites pas amen. Biblia ndio iko nasema. C'est la Bible qui dit. Nous savons que nous sommes des dieux. Tunajua kwamba tuko ba Mungu. Et que le monde entier na dunia mujima est sous la puissance du malin. Iko chini ya uwezo wa mjanja. Mungu apate umbariki. Que Dieu bénisse. Ni kusema nini? Que cela veut dire? Ni kusema pa dunia mujima. Cela veut dire le monde entier. Ni paka batoto ya Mungu. Dans le paka monde bo. Entier, il n'y a que les enfants de Dieu. Abana agité. Qui ne sont pas agités. Nous sommes des dieux. Chi etuba Mungu. Chi etuba batoto ya Mungu. Nous sommes des dieux. Et nous sommes différents de ces hommes. Nous sommes différents, on dirait le soir et le matin. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que nous, nous avons eu quelque part où nous pouvons nous réfugier. Et en dehors de ces agitations de ce monde, quand même, nous avons trouvé un endroit où nous dans le monde entier, sous l'emprise du diable, c'est sauf vous. Que Dieu vous bénisse. Sauf vous. Ça, ça pas et maintenant, toi, tu ne peux pas être agité. C'est la vérité. Que Dieu bénisse. Si tu pas agité, nous ne devons pas être agités. On a parce que l'homme qui courait pour entrer, dans son cœur, il se disait si Dieu peut m'aider, entrer seulement dans cette cité, cela veut dire je suis sauvé. Que Dieu bénisse. Parce que moule murikuya sécurité. Parce que là-bas il y avait la sécurité quoi. Murikuya salama. Il y avait la paix. Murikuya ukingo. Il y avait la protection. Amukukuya tena ma agitation. Il y avait pas des agitations. Arikuwa sous la protection de Dieu. Chini ya ukingo wa Mungu. Na mutu kama yuko chini ya ukingo ya Mungu. Lorsque quelqu'un sous la protection de Dieu. Ni mutu anekalaka tranquille. C'est un homme mwenye kutulizana. Wa kutulizana sana. Il est tellement tranquille. C'est la vérité. Nous, il n'a pas peur de problèmes. Il ne s'inquiète pas des difficultés. Il n'a pas peur. Il a tout le temps peur. Pourquoi? Si réellement, toi aussi, tu es dans cette cité de refuge. Tu as déjà trouvé Jésus dans ta vie. Maintenant, ôte la peur. Pourquoi tu as peur? parce que boka frère. Parce que la peur. Boka dada. La crainte, ma soeur. Il y a un lama qui prouve que la personne ici n'a pas de certitude. C'est la vérité. Nous étant chrétiens, Dieu nous avait déjà avertis selon les Écritures. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. 1 Timothée. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Timothée. Timothée à Pire. Bible qu'on a c'est ma vie. Mon verset, mon chapitre est 3. Sur la tatou. Verset est premier. Mon stade est 15. N'yandjigo mon isoma kamo isometena. Vous lisez ça, on peut relire encore. Bible qu'on a c'est ma vie. La Bible dit ceci. Sache que. Pate kujua. Dans les derniers jours. Yakwamba mashiko amwisho. Il y aura des temps difficiles. Que Dieu bénisse. Chie, nous, Saba Christo, étant chrétiens, Dieu nous avait prévenu. Quelqu'un, on lui a prévenu. Et qu'on avait ma disposition, yoke, il prend tous les dispositions afin d'affronter ses problèmes. Est-ce que tu pas moyen? On est ensemble. Mais là, petit exemple. Je vous donne l'exemple. Lorsque quelqu'un te prévient que je vais te visiter demain, où t'as-tu préparé? Tu vas te préparer au Tetarisha. Et c'est comme ça. Nous savons. Maman, tout ce qui arrive sur la terre, tous les enfants de Dieu, ça les étonne pas. Parce que Dieu avait prévenu que vous devez savoir que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles. Maintenant, toi, tu vis. Tu veux que Dieu puisse changer ce qu'il avait dit? Non. Et ce qui te met dans les agitations aujourd'hui, c'est l'incrédulité. C'est la vérité. Parce que je suis conscient. Parce que si tu n'as joué, y a bien des biens qu'on a fait. Tout ce qui arrive par hasard. N'arrive pas au hasard. Mais vous cours à ce que Dieu a dit. Mouyoué. Sachez-le. Paul a dit à Timothée. Paul disait Mouyoué à Timothée. Sachez que. Les choses seront très mauvaises. Maintenant, tout le conscient à Kousema ni Machiko Moubaya. C'est pourquoi qu'il a Chiku. Voilà pourquoi chaque jour. Un enfant de Dieu authentique. Et qu'on a dû préparer. Se prépare. Dieu a quoi affronter ma circonstance et ma Isha. Affronter les circonstances de la vie. Chaque jour. Qu'il a Chiku. Que Dieu bénisse. Qu'il a Chiku. C'est chaque jour. Et qu'on a dû préparer. Et le Jita Arisha. Frère Branham, on a fait une prière. Frère Branham, prier. Je vais vous lire d'abord la prière de Frère Branham. Mon message intitulé Soyez certains de Dieu. Mon maubiri, moué na wakika ya Mungu. Frère Branham, on a fait ma vie. Frère Branham dit ceci. Minanzi a tout mon chapitre à que 2. Nous t'as qui appelle. Paragraphe 2, chapitre 2, paragraphe 2. On a fait ma vie. Il dit ceci. Et maintenant, Seigneur. Ça est vibouana. Bénis ta parole. Barikinenolaku. Alors qu'elle est proclamée, mwakati toi ta ubiri, puisse le Saint-Esprit et rom takatifu prendre possession de nos esprits ipate kubeba maro etu, et de nos pensées na mawazo etu, et nous préparer pour sa visite. Na tujitayarishe njo atembele. Puisque nous lui avons demandé à venir. Sababu turomba rom takatifu pate kushuka. Car kwani? Nous ne savons pas à la maison, et nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour être vus. Ou pour voir les gens. Mais, lakini, pour apprendre de toi. Et pour connaître ta nature. Et tes voies. Et tes raisons. Afin d'être capable d'affronter les problèmes de la vie avec réelle assurance. Étant certain de Dieu, Dieu bénisse. C'est que tout chaque jour quand nous faisons une prière, en disant tout près de toi, c'est pour étudier. Comment est-ce que nous devons lutter dans la vie et dans le monde? Nous devons dans la bataille avec la vie. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous comme des chrétiens, nous sommes déjà avertis que nous sommes dans les jours, dans les temps difficiles. C'est pourquoi les enfants de Dieu attendent lorsqu'il vient écouter. Il ne marchait pas, il tombait à tout après avoir écouté. Il avait la force de lutter sur ce point. Il sait maintenant comment se défendre. Parce que il y a beaucoup de problèmes de la vie. Mais nous, comme des chrétiens, comme nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas sous l'emprise du diable. Toute notre vie, nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. C'est la vérité. Nous avons confiance en Dieu. Parce que nous sommes sauvés. Ni pas dans Jésus Christ. C'est seulement en Jésus Christ. Là où un homme peut se reposer. En dehors de Jésus Christ. Pour faire membre de l'Église. Cela ne vous donnera pas le repos. Être connu dans l'Église. Tu n'auras pas la paix. Il y a un endroit où lorsque l'homme entre là-bas, c'est seulement en Jésus-Christ où vous aurez la paix. C'est seulement en Jésus-Christ où il y a la paix. C'est la vérité. Et lorsque vous entrez en Jésus-Christ, c'est là où le plainte s'arrête. Mungu apate kumbariki. Oh, chie. Oh, nous. Mie. Moi ici. Mie ouyu, si je vile mita fuanya. Je ne sais pas ce que je fais. Mie ouyu. Moi ici. Mungu eko sa chinyone. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. Mutoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Kama anafika ndani ya Yesu Kristo. Lorsqu'il entre en Jésus Christ. Eko na tumainia ule Mungu alimuokola. Il a confiance en ce Dieu. Parce que ule Mungu alituma neno. Parce que le Dieu qui a envoyé. Ni Mungu mwaminifu. Il est vraiment fidèle. Asiweze kukokola. Il ne peut pas te sauver. Kisha kuache kwa wewe peke. Abandonner seul. Asita kuacha. Il ne peut pas vous abandonner. Ni pale ndio ma plainte inaishaka. Et là où le plainte s'arrête. Ni pale ndio ma miri na ishaka. C'est ma sema chini chini ça va s'arrêter. C'est la vérité. Nous quoi? Kama mambo inafika. Lorsque le problème arrive. Mtu anaanza kujiposer ma question. Un homme commence à se poser des questions. Pourquoi tu mambo natufikia paka chini? Pourquoi ces problèmes nous arrivent seulement à nous? Pourquoi? Pour Joanin. Comment bantu bengine mambo ikafikie? Ça ne les arrive pas. Paka chini tu ndio iko natufikia. Ça arrive. Ni kusema chini ndio paka chini matenda nzambi kupita. Nous sommes le plus pécheurs. Comment mambo tu ya vita natufikia paka chini? Paka chini. Ni mambo ya paka chini. Seulement nous. Mtoto wa Mungu ashikala. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Que Dieu bénisse. Vous voyez le problème. Les problèmes à soeur. Tu peux penser que tu as les problèmes plus difficiles. Mais tu ne sais pas c'est que le problème de ton prochain qui est à côté de toi. Tu ne sais pas. Tu peux prétendre que c'est toi qui es le plus souffrier. Mais lorsque quelqu'un d'autre vient t'exposer son problème. Tu vas te tenir à la tête et dire que moi, ce n'est pas un problème. Pour lui, là, ça me dépasse. C'est la vérité. Nous, quoi? Que Dieu bénisse. Ce qui te fait souffrir, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Namnakani, un enfant de Dieu, peut, lorsque les problèmes surgissent, il commence à pointer les autres. Oh, mambo oh, ces problèmes qui nous est arrivé, ça peut être parce qu'il avait causé tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, ma soeur. On ne peut même pas les connaître aujourd'hui. Et le problème arrive, le malheur arrive. La Bible dit toutes choses concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si le problème arrive, c'est un malheur. Ne maudissez pas Dieu. Dieu, à la fin, c'est là que nous saurons. C'est la vérité. Même si les problèmes arrivent, même si tu perds tes enfants, même si tu entres dans les meilleurs, même si tout semble ne pas marcher, et les accidents ne s'arrêtent pas dans la vie, parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est la vérité. Nous quoi? C'est la vérité, frère. Nous quoi? Nous quoi? Parce qu'à matin on a naïka. Même si vous agitez, vous souffrez. Attaquama on a murmuré, on a même si vous parlotez. On a ton pot là. Tu t'es la main. C'est le mambo ya koweye. Et ton problème à toi. On a au kamatiri à mon pio. Tu commences à exposer ça devant tout le monde. Abatakuba ti solution. Et ces gens-là ne vous donnera pas la solution. Mungu bato mbari. Que Dieu bénisse. Solution. Les gens ne vous donneront pas la solution. Vous allez te lamenter et tu n'auras rien à la fin. Mais la Bible dit Psaume chapitre 55. Zaburi kumi natan, makumi tano natan. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 55. Makumi tano natan na Zaburi. La Bible dit ceci. Psaume 55. Zaburi, Ramakumita Nonatan. Verset 23. Moussaïaki Makumbi Natatu. Bible Nasemaïvi. Remets ton sort à l'Éternel. Achiria Matokyo Yako Kwamilele. Et il te soutiendra. Nayei Atakusaidia. Olé, Oeku Kamatiria, Kamatiria Bantu. T'allais te plaindre chez les gens. Prends le problème que tu as. C'est que tu vois que c'est très difficile. C'est très difficile à ton niveau. Notre Dieu, rien n'est impossible à lui. C'est pourquoi il te dit remets ton sort à l'Éternel. Et il te soutiendra. Lui, il te soutiendra. Il ne laissera jamais s'enceler les risques des justes. Il ne peut pas laisser son fils être agité ou souffrir. Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu qui t'a sauvé. C'est un Dieu qui te connaît plus que les gens. C'est un Dieu qui surveille tout ta vie. Et des fois c'est tout le monde. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu n'est pas un homme. Dieu qui t'a sauvé. Il a pris la décision de te protéger toute ta vie. C'est la vérité. Olé, kwanza kujiplaindre. Olé de te plaindre. Kwanza ukamatiria bantu. D'aller te lamenter auprès des gens. Unaona bantu hata kama unabakamatiria bantu. Les gens, même si tu allais exposer tes problèmes. Il faut mtu akue mtoto wa Mungu njoo compatir pa situation yako. Il faut qu'il soit enfant de Dieu pour compatir à ton problème. C'est la vérité. Nous kweli. Kwa bantu bengine utamkamatiria bantu. Il y a des gens, tu peux aller te plaindre chez lui, exposer ton problème et à fin de compte, il va se moquer de toi. Il va se moquer de toi. Et aussi, ils vont sentir. Donc, lorsque les problèmes surgissent même dans la famille, et à côté, c'est dit, ces gens-là, ils sont vraiment maudits. C'est parce que c'est dans la famille d'autrui. Et maintenant, si ces problèmes-là, on bascule ça dans votre famille, oh Dieu, sois miséricordieux. Et c'est comme ça que les gens agissent. Ah, frère. Non. Ça ne peut pas les arriver au hasard. Ils ont fait quelque chose. C'est parce que ce n'est pas dans ta maison. Le problème n'est pas dans ta famille. Tu peux tout dire. C'est pas, le problème n'est pas chez toi. C'est pourquoi on a un enfant de Dieu. Même s'il est coincé, il a un homme à qui il exprime son problème, c'est le Seigneur Jésus. C'est la vérité. Nous quoi? Parce que là, pas dunia, frère. Aujourd'hui sur la terre, makanisa, même dans nos églises, hypocrisie, on a fiki, jo caractéristique y a bantu, jo qui on est caniche de tous les gens. C'est la vérité. Nous quoi? Muto anaweza kwenda kuangalia mgonjwa. Il peut aller visiter un malade. Ana mangaria. Il arrive là-bas, regarde. On a zania sema na compatir. Sous prétexte qu'il est en train de compatir à la même mouro yake anataka kumcheka. Dans son cœur, il est venu se moquer seulement. Tu vois maintenant comment tu as honte. Nasikia haya. Tu as maintenant honte. Ata mambo yenyewe. Même si les problèmes des gens, c'est seulement c'est ah! Bah, contrôler tout maïsha yabo bien. Qu'ils contrôlent d'abord leur vie. Bible qu'on a sema. La Bible dit ceci. Toutes choses. Qui tu ôtes, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ikuna fika, ni kwa bale wanampenda Mungu. C'est la vérité. Parce que angalia frère, angalia mbele ta mwakati ya Biblia. Regardez même du temps de la Bible. Murikuya bantu bakunyoloka saba Job. Il y avait des hommes corrects comme Job. Kama wewe ulishi mwile wakati. Si toi tu étais à ce temps-là. Ulipaswa kumulani Job. Tu devais maudire Job. C'est la vérité. Nous quoi? On a la vie à batoto ya Mungu pari dunia. Ouais, la vie des enfants de Dieu sur terre. Il est galaka ni vie yenye shetani na atakaka sana. Une vie que le diable attaque à tout moment. Mwangalie mu histoire ya mu Bible. Regardez l'histoire de la Bible. Batoto ya Mungu présence ya mu dunia. Leur présence sur terre. Ina mushirikishaka shetani. C'est la gêne le diable. C'est la vérité. Nous quoi? Ouais, unaweza kufanya nzambi. Tu peux commettre le péché. Mais mutoto wa Mungu kama anafanya paka zile anafanya. Enfant de Dieu authentique. Mais yeye kwa tena mambo ya nguvu. Pour lui c'est très grave. Kama uyuwe. Pour un enfant de Dieu c'était grave, c'est très grave. Unaweza wewe unafanya problème. Toi tu peux faire quelque chose. Mais yeye sema yako na ya mutoto wa Mungu ni vitu vya kuachana. Ce que toi tu as fait avec ce que l'enfant de Dieu a fait c'est très différent. C'est la vérité. Nous quoi? Remets ton sort à l'Éternel. Achigia matukio yako mkono wa milele. Et il te soutiendra. Na yeye atakusaidia. C'est la vérité. Nukweli. Apana ukamatiria bantu. N'allez pas exposer vos problèmes aux gens. Tuko naishi mukizazi kia hypocrisie. Nous sommes dans l'âge ya wanafiki wa mingi. Unaweza kuwazia, wewe unaweza kuwazia sema anakupenda. Toi, tu penses que non. Anakupenda. C'est mon frère, il m'aime ou ma soeur. Mais au lieu bila nakusemea kupembeni. Mais à côté, tu ne sais pas ce qu'il dit sur toi. Unaona mwakati ya frère Branham. Voyez du temps de frère Branham. Il y avait un homme qui est venu saluer frère Branham. Révérend Branham. Il lui a serré la main, mon chimio à Branham. Je t'aime beaucoup. Dieu est venu chuchoter à frère Branham. Il sait ce qu'il te dit là, c'est faux. On est ensemble. Ce qu'il t'a dit, c'est faux. Asema, njo frère Branham anamwambia Mungu asema bon. Et frère Branham dit à Dieu. Mais jipende ile pensée unaanza kuniambia iniingie mruko. Parce que je ne veux pas que le pensée que vous me donnez ça puisse me pénétrer. Kisha Mungu anamwambia hivi. Et Dieu lui dit. Unapenda nikuoneshe bila nakusemeaka kama hauna ako? Et tu, est-ce que tu veux que je puisse te dire ce qui parle de toi derrière toi? Frère Branham anasema hapana. Frère dit non. Jipende kuyua bila ananisemeaka mashina ako. Je ne veux pas écouter ce qui parle derrière moi parce que ça va vraiment détruire mes sentiments envers lui. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. C'est la vérité. Nous quoi? Muntu frère. L'homme. Washipokuwa na Mungu. Un converti. Ni hypocrite wa majabu. C'est un hypocrite terrible. Hypocrite wa majabu. Una fiki moi terrible. Anaweza eko na kulani. En même moment, il te maudit. Qui j'attendais qu'on a couleur à la mouquette? Que Dieu te bénisse. Il te serre la main en te disant Mungu akubariki. Hypocrite. Munafiki. Wa majabu. Terrible. Ni mutu mubaya. C'est un méchant. Ni mutu mwenye achiweze kupata salama umaisha yake. C'est un homme qui ne peut pas avoir la paix dans sa vie. Ni mutu ule kama mutu yako na teswa. Lorsque son prochain est en train de souffrir, ye muro yake anashika furaha. Lui, il se réjouit. Méchant. Tumbaya. Mutu mubaya. Un méchant. Ukonaona kupembeni kule. Voyez à côté. Eko na paka na shimanga bana. En train de médire. Toi kusema sema. Calomnie. Tule dubitu tote kuna sema sema tule. C'est qu'il est en train de dire. Ni toi kuredikilize maisha ya bantu. Dieu akushusha tu batu. C'est grave. Mais c'est la vérité. Je suis toujours. Remets ton sort à l'Éternel. Que Dieu bénisse. Arrête de te plaindre. Frère Branham, on a oublié la sema. Frère Branham, il prêche la congrégation. Dans chaque congrégation, on est galaka trois sortes de croyants. Il y a toujours Aïnata, tu as oublié. On est galaka ba croyants. Il y a des vrais croyants. Ba semi croyants. Na ba incrédule. Na ba kuto kwa. Ba la ba incrédule na umu be kwa mo. Les incrédules là même dans notre assemblée, ils sont là. C'est que ba le ba ntu ba le. Ces gens là. Et comprend ta ku kwetia poison. Ko tayari même à kwetia sumu le près de t'empoisonner. C'est un incrédule. Kuto kwa mini. Dans le cœur d'un incrédule, il n'y a jamais eu la crainte de Dieu. Il peut craindre Dieu. Comment est-ce qu'il peut craindre Dieu? Est-ce qu'il lui connaît même? Est-ce qu'il connaît même Dieu? Pour avoir peur de Dieu, tu dois lui connaître. C'est la vérité. Remettez votre sort à Dieu. C'est Dieu qui va vous soutenir. C'est lui qui viendra te soutenir. Arrêtez de poser vos problèmes avec les gens de Laodicée. Les gens de Laodicée. C'est pourquoi dans leur ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Comment est-ce que tu peux recevoir la paix au moment où tu es méchant? Un méchant ne peut jamais recevoir la paix. Il n'aura pas la paix. Lui, c'est un enfant du vipeur, du serpent. Un enfant du comment est-ce que toi, le malheur des autres te réjouit? Le malheur qui arrive dans la famille de tes frères, mais ça te réjouit. Et c'est ça même le sujet de votre conversation. C'est grave. Et après, tu dis que nous irons tous au ciel. Dans cette terre, nous nous haïssons. Dans cette terre, nous nous critiquons. Dans cette terre, on ne t'aime pas. Mais c'est seulement au ciel que nous allons nous aimer. Néanmoins, si le ciel appartient à ton grand-père ou de votre tribu, nous ne sommes pas dans l'île de paix dans une partie politique. Nous ne sommes pas dans le nous sommes dans les choses de Dieu. C'est la vérité. Nous quoi? Remets ton sort à l'Éternel. Et il te soutiendra. Lorsque vous avez des problèmes à soeur, lorsque vous avez des problèmes à soeur, allez à genoux. Au ciel ici, il y a un Dieu. Il y a un Dieu véritable. Celui qui t'a sauvé. Il y a un Dieu, il est capable de terminer ton problème. Ne vous inquiétez pas. Tu étais dans ma soeur et t'ont rejeté. Il ne faut même pas t'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes? Même si vous voyez que les gens vous abandonnent, la Bible dit toutes choses mambo yote, concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Abale en peine d'amour. C'est la vérité. Mkweli. Peut-être si tu avais persisté avec ces soeurs-là, tu allais perdre même ton expérience à cause de leur hypocrisie ou nafique de méchants. C'est pourquoi vous voyez que mambo yako yote kwa Mungu. Remettez votre sort entre les mains de Dieu. Na Mungu atakusaidia. Il va vous aider. Biblia inasema hivi mu Ésaïe chapitre 41. Ésaïe 41, la Bible dit ceci. Niko na ba verset 9. Je prends son verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. À qui j'ai dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Et je ne te rejette point. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne crains rien. Moi, je suis avec toi. Mungu, ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Kwa niko Mungu wako. Je te fortifie. Nuna kutia nguvu. Je viens à ton secours. Nuna kuya kukusaidia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Na mkono yangu wa ushindi ya kuume niko na kusaidia. Un chrétien n'a pas peur de rien. Kristo aongopake kintu. Mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Unaona mule mulie de refuge mu Ancien Testament. Voyez mule mugia makimbilio. Ilikuwa ni lie ya sécurité. Ilikuwa ni fashi moya ya ukingo hakika. Kama mtu eko mule. Lorsque un homme arrive là-bas. Qu'on aïche avec assurance. Il vit na atikisho yote. Na hakuna enemi atakuwa kumutukunya mule. Il y a point d'ennemi qui peut venir lui arracher de là. Asikuku yeko. Il y avait pas. Mungu apote mbariki. Que Dieu bénisse. Atakuwa mwarache mule je. Comment est-ce qu'on viendra lui arracher là-bas? Parce qu'il s'est retrouvé dans la protection de Dieu. Kama mtu eko protégé na Mungu. Lorsque quelqu'un est protégé par Dieu. Mungu eko nasema. Dieu dit. Ne promène pas des regards inquiets. Apana kuzungusha mtu macho au huzuni. Car je suis ton Dieu. Mani ni mie niko Mungu wako. Ni Mungu wako. C'est ton Dieu. Mutoche mambo ya Mungu wa mkanisa. Arrêtez avec ces dieux de l'église. Mutoto wote wa Mungu wa biakweli. Tout enfant de Dieu. Anatembea na Mungu wake. Il marche avec son propre Dieu. Mungu wangu. Mon Dieu à moi. Mungu ni Mungu wangu. Le Dieu, il m'appartient. C'est la vérité. Kama mambo yananibamba. Lorsque j'ai un problème. Bitu abiendeke. Lorsque je constate que les choses ne marchent pas. Kukimbiria. Je sais où aller. Niko na kimbiria paka ndani ya Yesu Kristo. Je pars, je cours. Kama mina twanga magoti. Lorsque je me mets à genoux. Mambo yapata pa kuchanger. Mon problème ou bien ma situation doit changer. C'est la vérité. Ni kweli. Hapana mtu anajiposer ma question. Pas quelqu'un commence à se poser des questions. Hii mambo inafika tu je. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Inafika juu Mungu alisema. C'est arrivé parce que Dieu a dit. Biblia kunasema kumashiku ya kumwisho. Itakuwa mawakati ya nguvu. Des moments difficiles. C'est la vérité. Ni kweli. Mtoto wa Mungu abia kweli. Un enfant de Dieu. Ashishitukake wala shangaikake. Ne t'inquiète pas, il n'est pas agité. Na ashikalake mkulekea. Il ne se fatigue pas. Kujidécourager. Se décourager, kulekea, non. Mamambo ya maisha frère. Avec les problèmes de la vie. Ikuwe magonjwa. Que ce soit la maladie. Ikuwe njala. Que ce soit la famille. Ikuwe magumu. Que ce soit le problème. Hakuna kile kinalekeshaka mkristo. Rien ne peut affaiblir un enfant de Dieu ou décourager. Akinako. Il y a rien qui peut le décourager. C'est la vérité. Nous quoi. Parce que parfois je parle en Afrique. Lorsqu'il arrive quelque part. Ni parfois si à Salama. Là où il est arrivé, c'est un endroit de tranquillité. Ni parfois si à Bujima. C'est là où il y a la vie. Ni parfois si mule muko atikisho. C'est à un endroit où il y a la certitude. Kama mambo na mubamba. Lorsque il a des problèmes. Eko na koye kwenda kuituria. Il sait où aller déposer ses problèmes. C'est la vérité. Nous quoi. Na hii mambo frère unaone kuna bamba bantu. Et ces problèmes qui nous arrivent. Kuko bantu walipata mambo pa hii dunia ya mchana. Il y a les gens qui ont eu des problèmes plus que nous. Mimi niko naangalia mwakati ya Biblia. Mais moi je regarde du temps de la Bible. Utaona ça. Vous allez voir. Il est acquis que bantu alikuwa nayo mu Ancien Testament. La certitude que mon Nouveau Testament m'a agir tutamburia. Et les âges qui nous ont précédés. Mais aba bantu biko na dit aller au ba Christ. Ces gens qui s'appellent aujourd'hui chrétiens. Utaona ça bana nayo. Vous allez voir, c'est comme s'ils n'ont pas cette certitude. Quoi qu'il te manque endeke? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que le christianisme a changé? Est-ce que le christianisme ou bien esprit? Ou l'esprit? Il est yongoza ka bantu mu akati ya Bible. Il accompagne les gens. Il n'a jamais na ile bantu yongo na pata leo. Il est différent de l'esprit que nous recevons aujourd'hui. Bantu abana nayo. Non, les gens n'ont pas cet esprit. Abana nayo. Ils n'ont pas ça. C'est la vérité. Nous quoi? Angara mutu sa Job. Regardez un homme comme Job. Arifisha batoto. Il a perdu tous ses enfants. Aripotesha bifugo. Il a perdu tous ses élevages. Bintu bia Job bio. Il a perdu presque tout ce qu'il avait Job. Bikapote. Il a perdu tout. Kisha bila bintu kupotea batoto kumukufu. Après avoir tout perdu. Mali yote kumalizika. Il a tout perdu. Kisha na magonjwa tena. Et puis même la maladie c'était surajouté. Job kama alikuwa mwika kanisa wewe ulipaswa kusema nini? Si Job était dans cette assemblée, qu'est-ce que tu allais dire? Oui. Si Job était dans cette assemblée, toi, qu'est-ce que tu allais dire? Il a perdu tous ses enfants. C'est bien, c'était parti. C'est que après tout ça, il est tombé même malade. Et puis Job, il commence à s'asseoir dans les cendres. Un homme qui était riche. Dans la cendre, il avait la gale presque partout. Je me dis, ça sera la prédication de tous les païens de l'église. C'est la vérité. Nous quoi? Il t'a une prédication à papa Ça sera la prédication de tous les païens de l'église. Les gens sans cœur. Bak bashporo. Va prêcher. Ils vont prêcher sur ça. Ah, non, non. Où est-ce qu'avez-vous déjà vu ça où? Ces choses-là, on les a écrites pour que nous puissions apprendre. Tellement que c'était très difficile. Et sa femme est venue dire, dans tout ce qui nous est arrivé, tu restes toujours fidèle. Et Job s'est étonné. Elle dit non. Tu parles comme une femme insensée. Si nous avons reçu de bonnes choses, acceptons même le malheur. Ah, pas na frère. Non, Ndoku. Ah, pas na dad. Non, ma soeur. Oule muntu, cet homme-là, il avait vraiment fait l'expérience véritable avec Dieu. C'est la vérité. Nukweli. Il est une preuve. Nikionesho. Il avait très bien expérimenté. Parce que Job, Dieu, parce que Job pendant ce séjour, il n'y avait pas la Bible. Il se mettait là, on prêchait comme nous ici. Une seule façon que Dieu avait dit, c'est à travers la révélation Founou. Il avait reçu la révélation. Et c'est ce qui lui avait donné la certitude. Peu importe ce qu'il lui a dit, Job était toujours fidèle à Dieu, tranquille. Il avait vraiment expérimenté Dieu. C'est la vérité. Lorsqu'un homme expérimente Dieu, lorsqu'un homme arrive à expérimenter Dieu, soeur, c'est un homme vraiment à part. Vous mangez avec lui ensemble, vous marchez avec lui ensemble, mais vous êtes très différente. Vous êtes très différente. Parce que sa façon de voir les choses, sa façon de juger les choses, c'est vraiment très différent de vous. C'est la vérité. Nukweli. Il a vraiment expérimenté le Dieu véritable. Ce n'est pas seulement dans la Bible, il y a beaucoup de gens. Il y a une femme, on parle, la femme tsunamite. Ou le tsunamite. Vous connaissez bien l'histoire. Elle était mutasse. Il n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'elle avait reçu la révélation, elle recevait les serviteurs de Dieu chez lui à la maison. Et le serviteur s'est senti vraiment redevable. Et il voulait à tout prix que Dieu puisse aider cette femme. Il a demandé à Dieu. Dieu a donné à la femme l'enfant. Et l'enfant a grandi. Et l'enfant est tombé malade. Afin de quand l'enfant était décédé. Que Dieu bénisse. Après le décès de cet enfant, la tsunamite est allée mettre l'enfant dans la chambre haute. Ah, elle a enfermé cet enfant. Elle est allée vite rejoindre. Et quand son mari a posé la question, est-ce que ça ne va pas? Il dit, tout va bien. Tout va bien. Ah, ces gens-là ont expérimenté Dieu. Que Dieu bénisse. Et ils ont expérimenté le Dieu. Il a des problèmes pareils. L'enfant déjà décédé dans la maison. Mais bien qu'il avait toujours confiance en Dieu. La Bible dit, tout celui qui fait confiance en Dieu, jamais il n'aura honte. C'est la vérité. Dieu, tu lui fais confiance dans ce monde. Il ne peut jamais te couvrir de honte. C'est comme ça que notre Dieu fait. Un jour, il peut te couvrir de honte. Il n'a jamais laissé les gens dans le honte. Lorsque vous mettez confiance en lui, pas dans les hommes. Les hommes ici qui se fatiguent rapidement. Même si c'est ton ami, lorsque vous arrivez pendant longtemps, il va se fatiguer. On est ensemble. Au début, il peut te visiter facilement chaque jour. Après trois jours, il va un peu. Après une semaine. Après, il vient venir. Après un mois. Après, il vient. Après, il arrête même de te visiter. C'est comme ça que les hommes agissent. C'est la vérité. Nous quoi. Mais si tu es un enfant de Dieu et tu fais confiance encore dans les hommes, tu es le plus malheureux. C'est la vérité. Nous quoi. Tu es le plus malheureux. La seule personne en qui nous pouvons avoir confiance, c'est seulement Jésus-Christ. C'est lui qui ne peut jamais te laisser dans la honte. En aucun jour. Le mariage, ça peut vous décevoir. Les enfants, ils peuvent te décevoir. Le frère ici, les soeurs, ils peuvent vous décevoir. Même le serviteur de Dieu, 11 jours, ils peuvent aussi vous décevoir. Tu ne sais pas. Il n'y a que Jésus seul qui ne peut jamais te laisser dans la honte. Lui seul. Et c'est lui l'homme de confiance. C'est la vérité. Nous quoi? 1 Pierre. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Na mumuturie mangai koyenu yote. Barisema oui décharger kwa muntu. Allez, allez décharger sur quelqu'un. Ma souci il est wewe kunayo. Vos soucis que vous avez. Na mamambo ile inakuhangaisha. Et le problème qui vous Bible a... inasema muturie nani? La Bible dit allez les déposer à qui? Bible kuwaji. La Bible est très claire. Déchargez-vous. Na mumutuli sur lui tous vos soucis. Yulu yake mangai koyenu yote. Ni kusema nini? Cela veut dire quoi? Mambo yote kuna kuhangaisha. Tout ce qui vous fait souffrir. Avant de le dire même aux gens. Allez d'abord dire à Dieu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Mambo yote. Tout ce qui vous fait souffrir. Ile kunangaisha roho yako. Tout ce qui inquiète, qui vous inquiète. Ikuwe magonjwa. Que ce soit la maladie. Ikuwe zambi. Que ce soit les péchés. Ikuwe problème kani. N'importe quel problème. Wa kwanza wawe kuturia yo. La première personne à qui vous allez exposer votre problème. Ni paga Yesu Christ. Jésus. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Mumuturie mangai koyenu yote. Car lui-même. Kwani ye moya. Prends soin de vous. Jo ekonomi angaikia. Ye peke. Lui seul. Ekonomi angaikia. Prends soin de vous. C'est la vérité. Ukweli. Apana kusema sema hii mambo inanipita. Ni pas que ça ça me dépasse un peu. Mambo imupita ke Mungu. Dieu rien ne peut lui dépasser. Hakuna mambo inamupita ka Mungu haina ko. Il y a un problème qui dépasse Dieu. Il y a Kama pas. Kona imoya unyandiki. Si tu as un problème écris-moi qui peut dépasser Dieu bien sûr. Voyez dans ce monde. Le Dieu que nous adorons. Il a déjà ressuscité le mort. Dans ce monde. Ici, ce n'est pas au ciel qu'il a ressuscité. Dans ce monde. Il est décédé pourri. Mais notre Dieu lui a ressuscité. Si nous posons la question au médecin, comment est-ce que c'était possible? Notre Dieu fait des choses que tu ne sauras pas expliquer. Même si vous voyez que ces problèmes, humainement parlant, tu as fait tes calculs. Si je pouvais faire ça, ça ne va pas marcher. Et si je faisais ça, ça ne va pas marcher. Et Dieu, lui, il est capable. Est-ce que tu vas on est ensemble. À notre Dieu, c'est là où on dit tout est possible. C'est la vérité. Qu'est-ce que Dieu a déjà eu à échouer? Mambo gani? Quoi comme problème? Mtoto wa Mungu ashangaikaki. Un enfant de Dieu ne s'agite pas. C'est la vérité. Que nous quoi? Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Mwende muturie mangai koyenu yote. Car lui-même. Ye moya. Prend soin de vous. Ati miangaikia. Ye moya. Lui-même. Tuko na Mungu leko terrible. Nous avons un Dieu wa kushangaisha. Ni Mungu wa mashangaisho. C'est un Dieu terrible. Mungu anaumbaga na matrice. Notre Dieu, il peut créer même l'utérus. Mungu anaumba. Notre Dieu peut créer. Mungu alipopere bana itosha. On a opéré. Mais bana mwambia Mungu anaumba ingine. On a prié pour lui, Dieu va recréer. Notre Dieu ne Okshangaisha. Faut pas que nous chouchons à Mungu. Na compréhension yako ya Mungu. Avec ta façon de comprendre. Faut pas réduire notre Dieu à ta compréhension. C'est la vérité. Nous quoi? On en a léo. Voyez aujourd'hui. Comme les gens ont échoué. De faire confiance en Dieu. Maintenant, beaucoup de gens, n'importe quoi. Ils ont peur na bintu biote. C'est grave. Nyatari. Les gens, ils ont peur à tout moment. Mais ça, c'est très difficile. C'est impossible, frère. Il est à... C'est impossible. N'existe pas en Dieu. Mambo, c'est impossible. Ça n'existe pas chez Dieu. Ce sont nos pensées. Nous voyons un peu de choses très difficiles. Notre Dieu, il n'y a rien qui peut lui dépasser. C'est la vérité. Nous, lorsqu'un homme entre en Jésus-Christ, il n'y a rien qui est impossible. Il est devenu un homme de paix, un enfant de joie. Et c'est un homme qui ne s'inquiète pas. Pourquoi les chrétiens ils sont comme ça? Est-ce que tout va bien? On est encore ensemble. Comment est-ce que les chrétiens ce sont les enfants? Et ils ne sont pas agités. Et ce ne sont pas les gens qui sont à tout. Premièrement, c'est parce que ce sont des croyants. Ils sont croyants à quoi? Ils sont croyants à la parole de Dieu. Deuxièmement, ils ont leur confiance dans la promesse de Dieu. Est-ce que tu pas moi? On est ensemble. Parce que la parole de Dieu. Alors, nous la Mungu, c'est ça notre absolu. C'est ça notre absolu. Lorsque Dieu dit quelque chose. Apana kurezone. Ne raisonnez pas kwanza kufikiri kuwaza waza. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Je suis l'Éternel. Mie niko wa mileli. Qui vous guérit. Ule ekonomi ponya. De toute maladie. Magonjwa yote. L'Éternel. Wa mileli. Maintenant, comment mon habit pelle comme science. C'est comme le wanda muelimu. Mon anguka. Vous êtes tombé. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Frère. Duku. On en attaque comme on a gondé wana kombe. Ouais, même si vous êtes malade, on prie pour vous. Amini. Crois seulement. Si tu as un problème, on a prié sur toi. Amini. Roi. Pourquoi? La Bible dit. Tout ce que vous allez demander à mon nom. Moi, Dieu, je le ferai. Regardez nous. Regardez ma soeur. Lorsque ton cœur te pousse. On doit prier pour toi sur quelque chose. Vas-y, on prie pour toi. Parce que la réponse existe déjà. Même si on a prié pour toi. Que le problème ne s'est pas amélioré. Dieu ne mentira jamais. Dieu ne mentira jamais. Tu vas passer toute ta vie sur la terre. Et vous mourrez. Là-bas, au dernier jugement. Et tu te mets là à dire à Dieu. Moi, un jour j'étais venu à toi. J'avais tel problème. Mais tu ne m'avais pas aidé. Dieu te dira c'est faux. Il te dira que c'est faux. Si c'était comme ça, Dieu ne devait pas parler. Vous vivez. On avait prié pour toi sur une maladie. Et tu vis. Crois que Dieu t'a déjà guéri. Et ce qui te fait que tu ne crois pas, c'est la quoi? Foi, imani, ce qui te fait croire que imani, la foi, aina kushikia, ce n'est pas sentir. Oh frère, il y a quoi? Mon cœur battait un peu vite. On a prié pour moi. Mon cœur continue toujours à battre plus rapidement. Je ne sais pas si je suis guéri ou pas. Tu n'as pas la foi? Que Dieu bénisse. La foi, imani, c'est croire à la parole de Dieu. Ni kuneno la Mungu. Mungu njo alisema. C'est Dieu lui-même. Il a dit, après avoir prié pour moi, je suis guéri. C'est la vérité. Nous. Et puis, Bible, on a dit, puis la Bible dit, vous le verrez s'accomplir. On sait pas, ça va s'accomplir dans combien de jours. Mais Dieu t'a déjà guéri. C'est la vérité. Oui, toi, crois seulement. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Et ce que met le chrétien. Bila boka. Sans peur. C'est la parole de Dieu. Et les promesses de Dieu. Namala kwa amun. Kitumaini kietu. Notre confiance. Qui comme ya malako. La parole de Dieu, de la promesse. Dieu frère. Ne peut pas nous promettre vainement comme ça. C'est la vérité. Nous quoi. Na ile kona tosha boka. Et cela ôte la peur. Mon maisha ba Christo. Dans la vie des chrétiens. Boka ina kitu kizuri dada. La peur n'est pas une bonne chose, ma sœur. Boka ina kitu kizuri nduku. La peur n'est pas une bonne chose, mon frère. Mutoto wa Mungu ashogopake. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Boka mutoto wa grand roi. Tu es un enfant mufalme mukuu. Angara tu mele baba ba président tu kunabole kwa dunia. Le président que nous avons dans le monde. Les mortels. Bakou foi. Mais angara batoto ya. Mais regardez leurs enfants. Anaza ta kupika mtu mabale. Il peut fusiller même quelqu'un. Dieu na Dieu sera kunabole mtampeleka. C'est que vous ne pouvez pas lui amener quelque part. Dieu baba ntuba. Il y a nulle part que vous pouvez lui amener. Ce sont les hommes de ce monde. Mais nous. Chitu batoto ya Mungu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ni kukosa kujua ni kitu kibaya. Ah, manquer de se connaître, c'est une mauvaise. On a IRDC. Ouais, la RDC ici. Kama iko na existe ni juu yetu. Si la RDC existe, c'est à cause de nous les enfants de Dieu. C'est la vérité. Nous quoi. Kama chatu kukuye mu RDC. Si nous n'étions pas dans cette RDC, va pas ça déjà chatu nyangera pas. On allait déjà ravir ça par le blanc. C'est la vérité. Nous quoi. Njogile kina kaburaka ba Kristo bekalage na boka. Et c'est ce qui fait que les chrétiens n'ont pas peur. Parce que ils ont la parole de la promesse. Parce que la peur n'est pas une bonne chose. Frère Branham dit ceci sur la peur. Paragraphe 26. Frère Branham dit ceci. Tout ça m'embelle. Lisons d'abord. Je n'ai plus le temps. Nous allons continuer. Lisons d'abord. Lisons quelques citations que nous avons. Namna kani yakushiriki. Paragraphe 26. Nous taakia yamakumi mbi na sita. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. Jo mambo yabantu leo. C'est ça le problème des gens d'aujourd'hui. Jo mambo yabantu leo. Vous avez peur. Una boka. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens. Katikati abatu jo laana mkubwa ile kwako. Amen hein. Amen. La peur. Boka. C'est une malédiction. Ni laana. Yenye kwa katikati abantu. Au milieu des gens. Du plein évangile. Katikati ya injili. Ou parmi n'importe quel autre peuple. Wala aizuru katikati ya taifa ingine. C'est parce qu'ils ont peur. Sababu kwanza biko na boka. Dieu a pourvu. Mungu alitayarisha. Mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Ni moye njomu kuna boka kubeba neno lake juu ya ile. Si vous étiez, si vous n'aviez pas peur ce soir. Kama imangaribi amkukwe na boka. Eh bien. Muzuri. Vous recevriez votre guérison par la foi. Muripasha kupokea matunzo yenu kwa imani. Et vous sauriez que Dieu a promis cela. Na mutajua kusema Mungu alilaka matunzo. Et la chose vous quitterez du coup. Na kile kitu kitakutoka paka pale. Mais vous êtes effrayé. Mais lakini ni boka njo kuna. Et après. Benye kwa la boka. J'ai remarqué ça. Minaona wewe rile. Et c'est la raison pour laquelle. Na njo nye sababu. Je suis un fervent croyant. Mie niko mwaminifu. Anashuka chini anasema. Descend un peu. Il y a des facultés qui dirigent l'homme. Kuko bitu biwili bile binongoza mutu. L'une c'est la foi. Moya ni imani. Qui produit les résultats. Na iko na tosha matokeo. Et l'autre c'est la peur. Na yenye ni boka. Qui n'a aucune vertu du tout. Aina na nguvu hata moya. La foi vient de Dieu. Imani inatokea kwa Mungu. La peur vient du diable. Boka unatokea kwa shetani. La peur vous abat. Boka iko nimeweka chini. La peur. Boka vous amène à vous poser des questions. Iko nakusukuma uanze kujiuliza uliza. C'est la vérité. Ukweli. Ça va se terminer. C'est le problème ici. Aba, et ses enfants ici. Buana, oh mon mari ici. Bibi, oh ma femme ici. Il est ma question, ni boka. Et ces questions là, c'est la peur. Que Dieu bénisse. Mais la foi. La iman. Iman ndani ya muko nguvu. La foi en elle, il y a la force. C'est la vérité. Nukweli. C'est la vérité, mon frère. Nukweli, nukuyangu. La paix vous amène à vous poser des questions. Frère Branham a raison. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait-il d'être tout agité à ce sujet? Ça, Dieu a nini mitanza kuangakaeka kumambo ya lufu. Mungu abote mbariki. Que Dieu bénisse. Shunona ile boko konayo. La peur que vous avez. Atakama utakufa kesho. Même si c'est demain que vous allez mourir. Kama unaogopa sana leo. Si aujourd'hui tu t'agites, tu as peur à ce moment. Mais la peur que tu as, ça va changer quoi? Boka. La peur. Abu changea ke kitu mu maisha ya mtu. Ne change rien dans la vie de l'homme. Kile kinaweza kuchanger bintu. C'est que tu peux changer quelque chose. Ni imani ndani ya ule Mungu uliamini. C'est la foi dans le Dieu que tu as cru. C'est la vérité. Donc quoi? Imani. La foi. Dieu projeta son amour. Mungu kutupa mapendo yake. Munivumirie nisome tu ma citation iko hapa. Patientez-moi que je puisse lire seulement ces citations. Frère Branham en a sema hivi. Nous Branham dit ceci dans la prédication. Au paragraphe 14. Nous taqué à Kumnaïn. En a sema hivi. Il dit ceci. OK. En a sema. Il dit l'amour ne connaît pas de crainte. Mapendo ayonaki boka. L'amour bani la crainte. Mapendo inatoshaka boka. Étant des fois dans mes réunions, na mara mingi mamkusaniko yangu, j'ai remarqué que quand je viens vers les gens, minuna, kama mina chofea batu, l'une des plus grandes choses kitu kikubwa kabisa, que je trouve parmi eux, kile mina kutaka katikati yabo, c'est la peur. Niboka. C'est la peur. Niboka. Et ce qui cause la peur, na yenye kunaleta boka, c'est le manque de confiance. Ni kukosa matumaini. Si vous manquez la confiance, kama unakosa tumaini, cela vous donnera la peur. Jo ile itakupatia boka. Mais si vous aimez, mais lakini kama unapenda, cela bannit cette peur. Ile ikuna tosha kwanza ile boka. Et c'est comme ça que Dieu veut. Na jo vile Mungu anapenda. Que son église soit. Kanisa yake pate kuwa vile. Non pas avec beaucoup de membres. Hapana tuko ba mingi sana. De membres fondateurs. Ba memba ba mbanzishi ba mingi. Il veut de membres qui sont loyaux. Ki anapenda ba memba kunyoloka. Qui aime. Ba anapenda. Qui croit. Ba kushimia sheria ba mingi. Et qui a confiance en lui. Beko na tumaini ndani ya Mungu. Mungu anapenda bantu. Dieu veut voir. Bale beko na mwekea kitumaini. Il fait confiance. Il est qu'on a l'été à Bantu Boka. C'est ce qui amène la peur parmi les gens. Nikukosa kuyana kitumaini ndani ya Mungu. Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est la vérité. Ukweli. Bato bana kitumaini ndani ya Mungu. Les gens n'ont pas confiance en Dieu. Dieu a nini bato batumaini ya Mungu. Pourquoi les gens n'ont pas confiance en Dieu? Dieu a nini bato beko na Boka. Pourquoi les gens ont peur? Frère Branham anasema. Frère Branham dit. Ndio sita sio mwisho. Dans sa présence. Sita mwisho maubiri mwepu yake. Sio kandiku yana iko hako. Dans sa présence. Il est ingine mishita somo. Les autres aussi. Si pas lire parce que nous n'avons plus le temps. Patientez-moi. Dans sa présence, il y a mon 9-9-62. Le 9-9-1962. Paragraphe 40. Dans le paragraphe 40. Frère Branham Anasem. Il dit ceci. Le pécheur repentant. Oule, mounia fanya zambi anatubu. Moutenda zambi oule anatubu. Le pécheur repentant. Par contre, n'ont pas peur. Kwa kinyuma aikalaki na boka. Amen. Kile kuna leti ya bantu boka. C'est qui amène la peur parmi les gens. Ni kuishi muzambi bila kuitengeneza. C'est vivre dans le péché sans confesser. Mutu ule anatubu. C'est lui qui s'est repenti. Anatengeneza maisha yake. Qui toute sa vie. Ni mutu anekalaka musalama. Qui est en paix. Na boka buna mutokaka. Et la peur quitte. C'est la vérité. Nous kweli. Un pécheur qui se repent. Mutenda zambi na tubu. Il sait qu'il y a un sacrifice. Anajua kusema kuko sadaka. Un sacrifice de sang. Na sadaka ya damu. Qui est temps et qui a pris sa place. Na bariweka pale na inabeba fazi yake. C'est ce qui me console. Joke yenye kinenifarijaka. Mungu abate mbariki. Que Dieu bénisse. Mon Christ, où l'on a tubu? Un chrétien repentant. Où l'on a tengené sa maïsha yake? Qui a arrangé sa vie. Amekalaka na akikisho. Un homme qui a été tué. Dieu, c'est qui a l'offrande de il est libre à voici yake. Il a pris sa place. C'est pourquoi mon tonton a mungu a bien quoi. Un enfant de Dieu autant. Moi, y'a quoi en dani à Jésus Christ? En Jésus Christ. Amekalaka wa kuturizana. Tranquille. Non, non, ouais, la confiance yake en dani à mungu. La confiance en Dieu. Ni Dieu, n'a Dieu, c'est ma tengené sa maïsha. Il a arrangé sa vie. Parce que Biblia, il connaissait, la Bible dit, mon 1 Jean chapitre 3, Yohana Kwanza, sura 4, si votre cœur vous condamne, kama moyo wako na kuhukumu, Dieu explique que votre cœur ni mkubwa kushindia roho yako. Roho yenye kuwa na condamnation, un cœur plein de condamnation, ni roho yenye kuwa plein de culpabilité, iko yenye kukumiwa, nicha kujua sema cha kosa. Unajisikia kusema uko toujours condamné, que il est condamné. Mtu wa ile namna anakalaka toujours na boka. Il est toujours peur. Sasa jusqu'à quand? Maintenant, ne kufika na wakati kani? Utaendelea kuishi mwile ma condition. Tu vas continuer à vivre dans de telles conditions? Est-ce que mwile ma condition tena mumbili? Et tu iras au ciel avec ces conditions? Hapana. Non. Mutu kama condamné Jésus Christ? Lorsque un homme est en Jésus Christ. Ni mutu anekalaka msécurité. C'est un homme eko katika ukimu. Mais pourquoi wewe na leo kigana boka? Yani toi jusqu'aujourd'hui. Maisha yako haina ordre. Ta vie haina musawa. C'est la vérité. Ukweli. Kama unatengeneza vitu vyote correctement. Toutes choses. Il est bon que comme Aïcha Yako va disparaître. Ta vie va disparaître. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière. Kila mtu afikiri. Méditons. Tuimbe mwimbo moya. Chantons un cantique. Et Yesu ingia roni kabisa. Uniweke uru na kunitakasa nipate kasiri iana na wewe katika mateso na raha daima e Bwana. Upendo amengo na uzabiti niwe mushindaji Bwana nijaze. Upendo amengo na uzabiti niwe mushindaji siombi. Et chaque frère, chaque soeur, Angarie maïsha yake. Regardez votre vie. Est-ce que salama? Que vous avez condamné à Jésus Christ? Tu as ni boca. Pourquoi tu as peur. Tu as peur de quoi? Fuis ta vie. La peur, prions-nous tous.